You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Bonsoir et bienvenue à l'Horreur Gamer Show. Ici Steven Lefrançois qui anime séance de minuit avec sa petite voix de prenez-vous un popcorn et assisez-vous dans votre douillette ou je sais pas trop quoi. Hey, wow. C'était beau, hein? Oui, c'était autant sexy que moi. Ça veut dire pas du tout. Ceux qui comprennent pas, allez écouter le nouveau podcast que Steven fait avec Marc-Antoine Amonté et Jean-François Ouellette. Séance de minuit, Steven qui nous invite. C'est quoi? Un popcorn show puis une. Préparez votre boisson gazeuse et votre popcorn. Mm-hmm. Hey! Ben, j'entends personne d'autre. Y a-tu juste toi, Steven? On dirait bien que oui, c'est quoi ça? Ben voyons donc. Ben oui, toi, y a rien que nous deux. C'est que, ben, comme vous le savez, Jean-François Tremblay nous a quittés pendant quelques épisodes le temps d'avoir un bébé. On le comprend. Juste ça. On le comprend, on le comprend. Mais moi, j'ai ça. J'avais eu un peu de misère au début aussi. Puis, ben, coudonc. Quand t'as le moniteur et t'es en train d'essayer de faire un podcast, je me rappelle même, un année, pendant une des shows, j'avais carrément mon petit dans les bras. Oui. Je berçais pendant que j'animais. C'était n'importe quoi. Puis d'autres fois, j'avais. Ça me fait rire parce qu'à toutes les fois que tu venais pour dire ton opinion, c'est comme fallait que tu t'en ailles, fait qu'on reprenait le relais. C'est comme, ouais. Ben oui, Sébastien est reparti. Oui, c'est fou. Puis, Vicky, de la manière qu'elle parle, elle a eu une semaine de fou au resto. Donc, elle n'a pas le temps d'écouter le film et là, présentement, ben, elle est couchée déjà. Fait que. Ça me fait rire parce que Jean-François, il est comme « Ah, inquiétez-vous pas, là, c'est juste une couple de jours, deux semaines, là, juste le temps m'habituer, puis je reviens. » Ouais, attends, on se reparlera dans une couple de jours après que tu vas avoir ton enfant. En même temps, c'est ça. Ça se peut que ce soit ça. Ça dépend. Ça se peut. Veux-tu me remonter ta caméra que j'arrête de voir plus la face sur ton T-shirt que toi? On dirait que tu fais exprès. Ben oui, tu as regardé la VHS, fait que dans 7 jours, autrement dit aujourd'hui, ben tu vas te faire attaquer par Sadoku. Ah, c'est vrai. Oui, parce que Steven a un beau chandail de Sadoku. Très cool. Là. Yes. Très cool ton chandail. Puis, ouais, ben, c'est un épisode, je vais dire, spécial, parce que c'est rare qu'on fasse ça, parler d'un seul film. Oui, puis surtout que c'est très rare qu'on va parler d'une nouvelle pub de marketing. Fait que on salue tout de suite Party Expert. Merci de nous avoir autorisé à faire la critique de votre pub de Dark Tape. What? Party Expert? Mon Dieu, que je cachais pas. Oh God, vous comprendrez. Bon, non, c'est ça, c'est que y a un film qui va sortir le 17 avril, si je me souviens bien, et c'est voyons, tu l'as dit, de Dark Tapes. Dark Tapes. Ah, oh, un petit bisou de la blonde. De Dark Tapes, une anthologie de found footage, un peu la VHS, si on veut, qui a fait le tour pas mal des festivals l'année dernière et qui a eu, si on se fie à leur site web, un pourcentage de 95% de critiques positives. Nice. Ben, dans le fond, 39 critiques positives sur 41 sur les sites online. Ce qui est pas mauvais, pas en tout. Et 61 prix et nominations dans les festivals. Ce qui est pas à négliger non plus. Puis, ben, on s'est retrouvé sur la liste des chanceux qui pouvait recevoir un screener du film. Et on a reçu un screener, donc on l'a écouté cette semaine. On s'est dit, On pourrait jumeler ça avec une autre anthologie, mais d'habitude, quand on parle d'anthologie, c'est toujours super long, donc on va parler juste de ce film-là. Puis, tu disais, attends, à la blague, c'est assez rare qu'on fait des trucs de pub pour Party Expert, mais c'est surtout très, très rare qu'on fait des trucs sur des films qui sont pas encore sortis. Non, en effet. Ouais, fait que ça aussi, c'est assez spécial, mais... On se le cachera pas. Hein? L'affiche est quand même très alléchante. Bon, tu l'as mis sur Horror Gamer, puis ça a l'air d'avoir attiré pas mal le regard des gens qui n'avaient pas entendu parler de ce fameux fan footage-là. Oui, puis mine de rien, c'est niaiseux à dire, mais avec Horror Web qui sera plus là, qui n'est plus là. Le plein marché! le créneau des nouveautés est revenu. Malgré que vous autres, avec Séance de minuit, vous êtes en train de le reprendre. On verra, là, mais c'est ça. On pourra se permettre une nouveauté de temps en temps, même si l'idée c'est toujours qu'on reste dans les vieux films. Mais quand on se fait proposer un screener ou un truc de même, puis ça nous intéresse, why not? Donc, le sujet de ce soir c'est The Dark Tapes, cette anthologie de found footage. Et est-ce qu'on a quelque chose à rajouter avant de commencer l'épisode, Steven? Je pense que non. On est prêt à embarquer dans l'aventure. Puis est-ce qu'on est prêt à entendre une petite madame qui crie? Yeah! Good! Donc, The Dark Tapes, un film de 2017, réalisé, écrit et monté par Michael McQuown, Q-U-O-W-N, excusez-moi si je suis pas capable de prononcer ça, McQuown. donc, c'est une anthologie found footage. De quatre films, si on compte son fil conducteur, son histoire qui est un peu le wraparound qui fait le lien entre les trois autres histoires. Et ce wraparound-là raconte l'histoire d'une gang de personnes scientifiques, un professeur, son étudiante, puis un assistant, je crois, qui veulent faire des études sur les terreurs nocturnes. Ouais, les terreurs nocturnes. Merci de trouver le terme. Les terreurs nocturnes, en se disant que avec certains procédés, caméras plus lentes, seraient capables de filmer ces terreurs nocturnes-là que le professeur va donc le professeur va être le seul témoin en rêve, mais les autres avec les caméras seraient capables de les capter. En se disant que, dans le fond, quand on rêve, quand on est endormi, notre cerveau est comme capable de rentrer à une fréquence qui est comme dans un univers où le temps est beaucoup plus rapide. Donc, c'est genre une seconde de notre temps, c'est quelque chose comme 3-4 heures dans cet autre univers-là. Là. Un peu comme dans Inception, là, finalement. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est comme, OK, si on a des caméras super lentes puis plein de procédés, on serait capable de voir cet univers-là. Donc, c'est ce qu'il va essayer de faire. Et sa wraparound story-là s'appelle « To Catch a Demon ». On en reviendra à la fin sur notre opinion de ce wraparound story-là, qui est entrecoupé de les autres histoires, mais finalement, contrairement à exemple, un VHS, les autres histoires font comme popper. Tu sais, mettons dans VHS, à toutes les fois, ils trouvaient une cassette puis ils finissaient par la mettre. Ouais. Mais là-dedans, dans le wraparound, c'est juste comme, on le cut site, puis là, il y a une histoire qui commence. Ça apparaît. Je pensais au début j'avais loupé le personnage qui checkait sur l'ordinateur, peut-être. Non, même pas. C'est vraiment juste des histoires qui pop de temps en temps. Les autres films sont pas comme insérés là-dedans. C'est juste comme, OK, on stop et on passe au prochain film. C'est ça qui se passe. Donc, c'est toi qui nous résume le premier segment, hein, mon Steven? Bien sûr. On y va pas avec notre appréciation générale. Je veux pas. Vaut mieux. Bon, mais bon. Se garder une petite surprise là, à chaque segment à le c'est voir. C'est ça. Ben, le premier segment qui se nomme The Hunter in the Haunted. C'est si ça. Je me trompe. Génial. Qui raconte l'histoire d'un couple qui emménage dans une nouvelle maison de rêve. Je ne sais pas trop où. J'ai complètement oublié l'endroit. Je crois que c'est Détroit ou quelque chose comme ça. Vraiment une belle maison, 3 étages, tout le kit. Et ça fait pas longtemps qu'ils sont arrivés là, qu'ils commencent déjà à arriver des phénomènes bizarres. Au-dessus de leur tête, ils peuvent entendre des pas qui arrivent fréquemment, qui courent un peu partout. Et quand ils montent à l'étage, ben, il n'y a rien de spécial pourtant. Et il va arriver d'autres petits phénomènes comme des objets qui bougent ou une balle dans un couloir qui revient vers eux. Et par peur, ils vont décider de faire une petites vidéos pour attirer des Ghost Hunters pour venir les aider parce qu'ils sont vraiment paniqués et au lieu d'essayer de déménager ou s'en aller ailleurs ou peu importe, ben ils veulent vraiment combattre les fantômes et arriver à vivre dans leur belle petite maison. Et voilà, et bon, ben, les Ghost Hunters vont arriver, puis ça va... Ça ira pas comme prévu. Et non, fait qu'autrement dit, on vient de vous résumer Paranormal Activity. Ouais, c'est très Paranormal Activity. Ouais, vraiment, là, c'est le même structure au bout, là. Mm-hmm. Comment tu l'as trouvé? Juste Ben, c'est peut-être ça le problème. Tout à l'heure, j'étais comme, OK, c'est vraiment du Paranormal Activity, même structure. J'ai comme fait, écoute, t'arrives peut-être plusieurs années trop tard. Je veux dire, on a passé à travers plusieurs fan footage qui ont utilisé la même formule. Mais, je sais pas, je te dirais que j'ai embarqué pareil le début. Tu sais, j'étais comme, OK, c'est quand même fréquent. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Les effets sont bien. Les effets sont quand même bien, surtout la scène de la balle quand elle revient sur la scène de la balle, c'est très très cool. Très cool. Réussi, franchement. Les acteurs sont un petit peu bof, mais gars, c'est pas plus grave. Mais à partir de quand les Ghost Hunters vont arriver et qui vont commencer à enquêter, ça commence à devenir long, ça tourne un petit peu en rond, mais encore là, ça fonctionne. Enfin, je me dis, OK, c'est comme la plupart des fan footage ou des anthologies, surtout les anthologies, on va se dire que, regarde, le premier segment, des fois, c'est le plus faible. Fait que souvent, ça commence mollo. Fait que je me disais ça avec celui-là. Et là, il arrive un twist. Le twist à la fin du segment que j'ai trouvé vraiment boboche. J'ai trouvé que ça sortait de nulle part. Ça m'a fait plus rire qu'autre chose. Surtout le jeu de la mère, à partir de quand le twist, là. J'ai vraiment trouvé ça drôle. Mais à la base, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop copié sur Paranormal Activity. Le gars, il essaie même pas de s'en démarquer. Là. Ça part peut-être avec son twist. Là, mais... Ben, tu vois, je suis un peu de ton opinion, mais moi, je l'ai quand même beaucoup aimé, ce segment-là. Il passe vite. Il passe vraiment bien. Il n'y a pas trop, il y a pas de longueur. Comme on disait, certains effets sont vraiment, vraiment bien. Ça n'avait rien à envier à un Paranormal Activity, dans le fond. Non, c'est ça. Du côté effet, c'était bien correct. Puis, tu sais, j'y croyais. Puis moi, il y a quand même de quoi dans le found footage qui vient me chercher vite. La caméra first person, j'ai encore de la misère à être insensible à ça. Dans le sens que, tu sais, quelqu'un qui marche d'un couloir, puis il y a des portes sur ses côtés, puis il va juste se tourner, ouvrir la porte, ouvrir la lumière... Ça me met la chienne. Je sais pas pourquoi, je suis hyper sensible à ça. T'sais. Ben, je suis comme toi, je suis un mode stress. Surtout que la maison, il fait complètement noir. Fait que le gars commence à faire toutes les pièces. Fait surtout avec toute un la truc, scène. Surtout un truc qu'on voit mener dans une des caméras quand ils font comme, hey, repasse, j'ai vu quelque chose. T'sais. C'est quand même freakant ce qu'on voit dans la caméra. Dans le couloir. Ouais, c'est ça, c'est quand même freakant. Ouais, j'ai trouvé ça cool, ça. Ça fait son petit effet. Ouais, fait que tu sais, j'étais comme, oh my god. Puis là, comme tu l'as dit, arrive le punch qu'on ne vous dévoilera pas. Puis, oui, ça m'a amusé, mais j'ai fait comme, OK, t'es une anthologie qui va arriver tout le temps avec un petit hey, hey, tu sais là, me prendre une twist puis faire comme, tu m'avais pas vu venir, mon chum. Fait que là, j'ai comme fait, OK, j'ai hâte de voir. Moi, ça m'a comme mis la table pour les prochains en me disant, si les prochains m'en reviennent avec des twists, ce que je vais faire comme, OK, c'est bon, j'avais pas vu venir, puis je sais pas à quel point que ça peut faire penser à quelque chose qu'on a déjà vu. Sur le coup, non. Je te dirais non. C'est pas de quoi qu'on a vu souvent, puis je l'ai pas vu venir quand j'ai vu le segment. C'est juste que sur le coup, j'ai trouvé ça un peu facile, je sais pas, pas trop accroché à ce twist-là. Ben moi, tu vois, ça m'a fait un effet de Tales from the Crypt. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Moins maîtrisé, là. Ouais, mais tu vois, c'est ça. Fait que ça m'a fait un effet comme ça. Fait que je me suis dit, si on s'enligne de même pour les prochains, ça va être fun. Est-ce qu'on s'est enligné de même pour les prochains? Moi, d'emblée, c'était mon préféré. Tu sais pas tu dis tout de suite, c'est lui ton préféré de toute la gang? Oui. Ok. ben, gars, peut-être que c'est mon préféré aussi. J'ai pas forcément envie de le dire. Ok. Non, ça va tout de suite dévoiler qu'est-ce qu'on va penser. Okay. C'est bon. C'est trop brisé. Parce qu'il y a de quoi qui s'en vient. J'ai d'autres choses en tête. Tu parles du deuxième segment, là? Ah, écoute. C'est ça, là. Écoute. On parle d'une anthologie qui dure quand même une heure et demie. C'est pas très long. Pour quatre. C'est pas très long, puis en même temps. On dirait que ça manque de jus sur certains moments. Mais dans le sens que. Elle passe vite. J'ai l'impression qu'on ne pourra pas s'éterniser bien sur les segments. Ça se peut fort bien. Il n'y a peut-être pas grand-chose à développer de tout ça, alors que le seul but du réalisateur est juste de faire peur et non de lancer un message, d'avoir de quoi d'intéressant. Il n'y aura pas de réflexion, fait que c'est sûr qu'on ne pourra pas élaborer. Puis on ne veut pas vous voler les punches. C'est pas comme si on parlait de l'anthologie. C'est pas comme si on parlait de Creepshow, ce qu'on ferait comme garde. Oh, en plus, ça sert à quoi de faire un segment spoilers pour un film que personne n'a vu encore, ouais. Que quand l'épisode va sortir, il va rester encore une semaine avant de le voir. Donc, on se gardera un moment vers la fin de l'épisode pour juste jaser de ce qu'on veut. Puis on a le droit de, on se donne le droit de déblatérer de bien d'autres affaires pendant l'épisode juste pour dire qu'on se donne du contenu parce que c'est nous qui devra faire le contenu. Parlons de contenu, Steven, deuxième segment. Yes. C'est moi qui. Ok. Ah non, c'est vrai, Jones, excuse-moi, ouais. c'est vrai, c'est toi qui viens de le faire, excuse-moi. J'ai déjà perdu. Cam Girls, segment, toi tu trouvais que le premier était simple côté résumé, je vais t'en faire encore plus simple. Une fille qui fait des séances un peu sexées sur des caméras avec une amie. Va faire une séance un peu spéciale en... sélectionnant une certaine personne qui aura droit à une séance privée. Olé. Olé, olé, privée. Qui va prendre une tournure que vous ne verrez jamais venir. Mm-hmm. Ok, c'est là que le film commence à utiliser à surutiliser l'effet que je dirais. Coudon, ma caméra est scrap. Coudon, je suis en train de perdre l'internet. Parce que bon, on s'entend dans les... Oh mon Dieu, t'as l'air de vouloir dire de quoi? Non, mais c'est parce que je vais juste mentionner, j'ai écouté le film sur mon cinéma maison. Et à un moment donné, j'ai dû pratiquement baisser ou fermer mon cinéma maison parce que le bruit des problèmes statiques de la caméra devenait incroyablement agaçant. C'était affreux dans ce segment-là par moment. Là. Des petits flashs là, vraiment fatigants. C'est tout à l'idée que... Puis c'est pas grave en bout de ligne parce que on va s'attendre à ça d'à peu près n'importe quel film qui fait un found footage, que quand est en train d'arriver quelque chose d'un peu surnaturel, la caméra va bugger, faire des tilts, il va y avoir des pixels, ça va laguer, puis il va y avoir des sons de grichage. C'est correct, ça me donne un feeling de « Ok, l'entité est au-delà de notre plan, donc elle a des effets sur la caméra. » Il y avait un segment, c'est-tu dans VHS 1 ou 2? Ou je me trompe Ça doit être dans le premier, tu parles du segment où que les deux personnes se parlent par webcam? Là? Non, je te parle même, c'est une gang de monde qui sont en forêt. Puis, oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui oui. apparaît sur la caméra, puis toutes les fois que ça apparaît, la caméra à gauche, ça. C'est comme le tueur, fait que tu vois juste le tueur en format statique, si on veut, qu'il avance vers eux. Mais tu sais, ça faisait partie de l'épisode. Le tueur, c'est la statique. Ouais, tandis c'est ça. Qu'ici, c'est juste comme non-stop, on te balance la statique fatigante. Là. Ouais, exactement. Fait que c'est ça. Puis Cam Girls, c'est vraiment là où il y a une surutilisation. Et une surutilisation qui n'est pas subtile, mais pas pour deux Christitiennes. Où ce que c'est pas juste une statique, mais c'est comme des flashs de d'autres moments. Où ce que tu vois, exemple, si tu vois la fille dans la caméra qui est en train de parler avec le gars, sa caméra, elle va flasher, puis là, tout à coup, la fille, elle va avoir du sang dans la face, puis elle va être cernée, puis elle va faire une face bizarre, puis là, elle va revenir normale. Fait que là, t'es tout le temps comme, OK, le film, c'est parce que tu m'as même pas laissé le temps de me demander ce que t'allais aller avec ça, puis tu me t'es déjà en train de me montrer que la fille est pas clean, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que... Le film, là, lui, il est zéro subtil. Puis là, tu tout le long de ce film-là, j'attendais le punch pince sans rire du premier, tu sais, parce que je me disais, ok. Tu t'es fait avoir. Tu t'es fait, hein? Puis là, j'étais comme, ok, mais c'est parce que le film, ça faisait 15 secondes que tu étais starté, puis je savais que c'était ça que tu faisais. Tu sais, ce film-là a été écrit sur un coin de napkin. Là. La fille fait de la webcam avec une amie, il y a des trucs un peu louches qui se passent, puis le gars va se faire avoir, tu sais. Et le gars se fait avoir, là, mais d'une façon tellement non crédible. Là. C'est ridicule. C'est épouvantable. Hein? Écoute, c'est... À date, j'écoutais ce film-là, j'étais comme, ouais, c'est vraiment comme, on va essayer de refaire VHS. J'ai vu VHS, ouais. Puis je vais essayer de faire ce segment-là. Puis celui-là, ben, fait partie d'un segment de VHS où on pouvait déjà avoir une conversation webcam avec Skype. Sauf que là, ben, évidemment, le gars avait pas les droits de Skype, fait que c'est juste vraiment une fenêtre avec une autre fenêtre en dessous. C'est correct. On a eu Unfriend, ouais. Qui était un bon film, moi, que j'ai apprécié sur Skype, justement. Ouais. Et avec ça, ben, il fait rien avec ça. Il n'y a rien d'original. C'est ridicule. T'as la scène où les deux filles vont choisir un des gagnants. C'est ça qu'ils font à chaque fois. Ils vont ouvrir la fenêtre de plusieurs gars qui sont en attente pour voir un show sexuel, ce qui est assez malaisant parce que t'as comme 7 personnes qui sont sur la même fenêtre qui peuvent toutes s'entendre. C'est comme, hey, on espère juste d'être le gagnant pour pouvoir se crosser en même temps. C'est ça. Puis t'en as un qui est trop craqué dans la gang, là, hey, salut les filles, oh yeah, oh yeah, oh yeah! Ok, lui couplé. Là, t'es comme. Ok, c'est parce que c'est le seul qui faisait quelque chose dans toute la gang. Les autres, là, tu sens vraiment que c'est du monde qui ont même pas été tournés en même temps, là. Tellement que ça. Ben, j'ai l'impression qu'ils ont juste pris des conversations de Skype d'une autre personne, puis là, il sait même pas qu'il est dans le film, le gars. C'est ça, vraiment. Non, mais le pire, c'est qu'ils vont prendre la personne. La... Je sais pas, me semble que c'est pas le gars que j'aurais pris, moi, dans l'eau, là. Ouais. Mais. La scène est hilarante. Moi et Sébastien, on s'amusait à niaiser en dehors du show, là. Mais c'est parce qu'il laisse quelques secondes pour, je sais pas faire quoi exactement, pour ensuite choisir la personne qui va être l'heureuse élue pour voir le show. Se laisser inspirer, là, tu sais, genre la fille commence à être sexy, elle va regarder les caméras autour, puis elle va décider c'est lui, tu sais. Sauf et que, vas-y. On a notre monsieur très dodu, roux, qui commence à se toucher un peu partout de manière très extrême. Il commence à se sucer le doigt et il est pratiquement en extase sans même regarder une seule seconde la fille à l'écran. Et tout de suite, la fille a fait comme on a notre gagnant, ça va être celui-là. Puis la fille à l'écran, elle a même pas enlevé son chandail, tu sais. Le film ose même pas faire ça, tu sais. Je veux dire, t'as un épisode qui s'appelle Cam Girls. Je m'attends à ce que la fille va au moins se retrouver en brassière ou quelque chose comme ça, tu sais. Si tu veux pousser cette idée-là à fond. Là, écoute, le gars, il est crissement en manque, là, même, je sais pas, là, tu sais. Et c'est con. Il est mieux de jamais aller sur un site de porn, ce gars-là, parce qu'il va capoter. Non, vraiment pas. Mais je trouve ça con, parce que l'idée, elle aurait pu être intéressante, tu sais, de prendre un site comme, pas que je suis un expert, même si je connais le nom, mais MyFreeCam, où si tu peux te balader de cam en cam, puis tomber sur une fille qui, admettons, si tu fais tel truc, ben elle va faire un genre de roulette pour faire... Des trucs pour attirer les gars. Ouais, ben, de toute façon, il y a plein d'affaires en même. Les filles sont là, puis tu payes de l'argent, puis genre, si tu t'en temps, je vais flasher mes boules, puis d'affaires en même. Ouais, non, c'est ça. C'est juste que là, il fait rien avec ça. Le gars, il a pas vraiment d'opinion là-dessus. Puis comme on l'a dit, le film tente jamais d'avoir une critique. C'est vraiment juste, on veut essayer de te faire peur, puis on veut que tu passes un bon moment. C'est juste du pur divertissement. Mais même là, ça livre pas de la marchandise. Le segment est irritant, comme on dit, à cause de la statique, des bruits fatigants, des petits... Moi, je trouve l'effet du montage, de on te montre des images creepy de qu'est-ce que les filles ont fait ailleurs avant ça. Ça marche pas, ça me gossait non. Tout le long. Puis j'attendais juste la fin. Je suis comme, OK, balance-moi, qu'est-ce qui va arriver. Puis finalement, ça l'arrive. Puis c'est aucunement surprenant. Je m'en foutais solidement. Puis j'ai trouvé ça ridicule. Puis ça arrive, malheureusement, vraiment de nulle part. Dans le sens que, pas de nulle part, mais une fois qu'ils ont comme le gars en privé avec eux autres, ce qu'ils font faire, c'est trop facile. J'y crois, tu sais, j'ai aucunement de détresse, je ressens pas de détresse pour le gars, de sympathie pour lui, tu sais. Le personnage principal, c'est la fille qui fait le showcam. Fait que j'en ai rien à foutre de ce gars-là. Puis la fille qui fait le showcam, ben même s'il y a eu une conversation au début avec son ami où ce qu'elle dit, ouais, des fois, je me rappelle pas de mes fins de soirée ou quelque chose comme ça, ben. Tu t'en fous un peu parce que quand t'as dit ça, je me rappelle pas de mes fins de soirée, puis que pendant ce temps-là, il y a des flashs de elle avec du sun en face, puis des yeux cernés, dans un coin de sa chambre avec des lumières qui flashent, tu fais comme. Ben, je pense que pendant qu'elle se rappelle pas, ben, elle tue des gens. On vous ouais, dévoile pas de punch, là, parce que vous le voyez venir après tant de secondes. Hey, je me demande ce que j'ai fait hier. J'ai plein de sang sur le menton. Ma chemise est toute déchirée. Mais je sais pas. Il est peut-être arrivé de quoi de grave. Là. Je me suis peut-être battu au bord. Oh, mais tu sais, la première chose qu'elle demande au gars qu'il va faire, tu sais, encore là, je trouve que ça marche. Ça se pourrait. Mais le deuxième coup, j'ai comme le feeling qu'il ne fait pas vraiment. C'est comme peut-être de quoi de surnaturel un peu. T'as pas eu ce feeling-là, en tout cas. Oui, mais juste, c'est trop facile. C'est juste mal amené, là. C'est juste mal amené. Puis c'est mal écrit, c'est mal joué. C'est juste un très mauvais segment après le premier qui était correct. Là, ouais, t'sais. Puis en plus, le segment ose quasiment se finir avec le, avec de la même façon que le segment de webcam de VHS. Ah, c'est littéralement ouais, la même chose en tant que tel. C'est ça, je te dis, on pas. Je parlais que le premier segment était du plagiat de Paranormal Activity, mais celui-là, c'est encore une fois pas mal du plagiat du segment de cam de VHS. Et pourtant, il y a eu un élément pendant ce petit court-métrage-là que j'ai fait comme « Ah ouais, t'as peu, je suis plus sûr de savoir... » Ben, j'ai peut-être l'impression qu'on va m'amener ailleurs, c'est qu'un moment donné, le gars se lève, puis tu vois juste sa chambre, puis il y a un élément visuel qui apparaît. Oui. Puis cet élément visuel-là, finalement, amène à rien. Non, en effet, ça sert à rien. Et j'étais comme, Colin, tu sais, mais il fait visiter sa maison, puis à un moment donné, il y a même une autre affaire, là, je te le mime, là. Ouais. Ouais, OK. Puis j'étais comme, OK, ah, oh, ouais, ça m'intrigue, il y a peut-être de quoi d'intéressant qui va arriver avec ça. Ça va peut-être prendre une tournure, et non. Non, il n'y a rien. Non, tu l'as dit, c'est une copie-collée. Puis, fait qu'à la fin, tu fais comme, OK, shit, là, tu m'as pas surpris, tu m'as pas diverti, tu m'as pas fait peur. J'espère que ton prochain, qui est en fait déjà ton dernier à part le fil conducteur, va ramener les choses sur le droit chemin. Tu sais, quand t'as trois segments, tu peux pas te permettre ça. Je veux dire, j'ai écouté il y a peut-être, je sais pas, je pense, ça fait peut-être 2 mois, j'ai écouté Holidays. Tu sais, ouais. t'as comme un segment pour chaque fête de l'année. Ah, t'en as 7-8, là, genre, je sais plus. 7-8, puis tu sais, il y en a un ou deux que j'ai vraiment détesté là-dedans, mais tu sais, ça me dérangeait pas, parce qu'il y en a plusieurs, tu peux te permettre, c'est comme un ABC of Dead, où c'est des mini-segments, t'en as plein, mais là, t'as 3 segments. Excuse-moi que tu fais une anthologie de 3 segments. Arrange-toi pour que tes 3 soient vraiment solides, parce que sinon, ça, là, ça part mal. Non, oui, t'as tout à fait raison. Là. Tu ne peux pas te permettre d'en avoir un de faible, parce que c'est le tiers de ton film qui vient d'être faible. Là. C'est décourageant. Puis, écoute, ce que je voulais dire, c'est que Cam Girls, c'est mon 2e préféré. Je tout dire, ça. Mais avant qu'on continue, on va prendre une mini pause musicale juste pour remplir l'épisode de quelque chose. On va y aller avec. Hey, on y va avec quelque chose de tellement classique, juste en jeu de mots avec la thématique du film, et on y va avec The Video Kill de Radio Stars, la reprise de President of the United States. Puis on se retrouve après pour le 3e segment et l'histoire conductrice de The Dark Tapes. I heard you on my wireless back in 52, lying awake intent and tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Oh, oh. They took the credit for your second symphony. And now I understand the supernova scene. We'll be right back. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « garder ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon. Eh bien, on enchaîne avec le dernier volet. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, tu peux juste en parler à tes amis et dire à quel point. Et celui-ci se nomme Angela Revenge. Et non, c'est www.horrorgamer.ca. Excuse-moi, j'avais Sleepaway Kim dans la tête. En plus, j'étais comme, c'est ça ressemble à Sleepaway Kim. Non, non. Amanda Revenge. Et ça se déroule dans un petit appartement où il y a une espèce de party avec des jeunes du collège ou je sais pas trop, c'est pas trop spécifié. Tout le monde s'amuse et durant un moment, Amanda n'est plus là. Amanda est dans une pièce et apparemment qu'il arrive quelque chose de louche. Fait qu'un de ses amis va enfoncer la porte et il se rend compte que le gars qui était avec elle était peut-être en train de la violer. C'est pas trop certain. Et le lendemain, Amanda, j'arrête pas de dire Amanda. C'est ça, Amanda? Oui. Amanda, elle ne se rappelle pas vraiment de ce qui s'est passé la veille et elle commence à avoir des blancs de mémoire de ce qui arrive la nuit, mais en même temps, elle découvre qu'elle est capable de faire des choses spéciales. Elle a des dons surnaturels qui viennent d'apparaître. Elle est capable de faire voler, exemple, une carte de jeu de poker et d'autres choses ainsi de suite. Et elle va essayer de comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Et ses amis, ses trois amis, je ne me rappelle plus de leur nom, sont là pour l'aider, l'accompagner là-dedans. Et jusqu'à la fin, elle va réussir à trouver qu'est-ce qui est la cause de tout ça et elle va aller avoir sa revanche. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle Amanda Revenge. Ton opinion? Ben, mon opinion, Sébastien, c'est le segment le plus long et c'est le segment le plus mauvais. Parce que c'est encore une fois, c'est un segment qui sort d'un VHS. On va pas nommer lequel parce que ça va vous dévoiler le fameux punch final. Mais c'est juste pas bon. Le casting qui a été choisi pour ça, jouer des jeunes, il est insupportable. Ils savent pas jouer. Elle qui fait Amanda est vraiment pas bonne. Puis à un moment donné, elle a une scène qui commence le segment où c'est elle qui explique un peu ce qui lui arrive. Puis après ça, on en revient plus tard à cette scène-là. Puis c'est un long monologue en plan séquence. On dirait que c'est comme, tu sais que ça, comment notre actrice est hot. Elle va faire un plan séquence de 6 minutes de monologue de qu'est-ce qui lui arrive, puis qu'est-ce qu'elle va faire. Mais c'est plate. Je m'endormais durant son monologue, puis elle est juste pas bonne. Mais je me suis endormi pendant son monologue. Bon, gars, ça confirme. Encore là, c'est mal écrit, ça manque d'imagination. Tout le long, on va suivre justement Amanda qui fait ses petits tricks devant ses amis qui sont impressionnés, puis elle va essayer de comprendre ce qui se passe, mais encore une fois, les caméras, ça fonctionne pas à cause du côté surnaturel, la statique, elle peut rien voir. Et finalement, on va se rendre compte qu'il y a un seul moyen de pouvoir voir ce qui lui arrive, puis c'est avec des vieilles caméras Super 8, puis elle peut enregistrer le son avec une espèce de gros... comment ça s'appelle ça, Sébastien? Je sais pas. Je savais même pas que ça pouvait enregistrer, premièrement. Je pensais que c'était juste pour faire jouer de la musique, mais apparemment, ça devait juste... C'est ça que tu cherches comme mot, un boombox? Hein? Un boombox, je sais pas trop. Un ghetto? Peut-être. Juste du matériel qui n'utilise pas de batterie, qui est pas électrique, dans le fond. Et finalement, grâce à ça, on va voir ce qui est la cause de son fameux problème de la fin, qui est d'un ridicule incroyable. On va pas dire le twist, mais c'est relié à ma joke de Party Expert au début, dans le sens que ils ont trouvé un beau costume pour un beau costume pour ça. C'est très réussi. ils ont juste scrappé en utilisant une caméra plus vieille, puis en scrappant un peu l'éclairage, fait en sorte que le costume passe mieux. C'est cool parce que... Le costume n'aurait jamais passé avec une caméra HD. Ben, il passe pas plus avec une caméra Super 8, juste pour te dire, Sébastien, parce que... Excuse-moi, mais quand on voit le format Super 8, là, c'est pas tourné avec une vraie caméra Super 8. Non. Ils ont juste pris le programme de montage que j'ai sur mon Mac, puis ils ont pris l'option vieille bobine. Et c'est juste ça. C'est tourné en HD avec une vieille bobine, c'est tout. Mais toi, Sébastien, qu'est-ce que t'as pensé de cette chose? Celui-là, il m'a tué. C'est vraiment lui qui m'a tué. C'est épouvantable. Tu l'as dit, ce n'est que du monologue. Et ce n'est que... Puis ça, c'est peut-être quelque chose que je reproche. Non, je pense que c'est celui que je reproche le plus. Hein. Ce n'est que du blabla. Vous pensez que dans Paranormal Activity, exemple, les détracteurs de Paranormal Activity, vous vous dites, il se passe rien dans ce film-là? Non, c'est que vous n'avez pas vu Amanda's Revenge. Parce que là-dedans, ils vous le montreront même pas ce qui s'est passé. Ils vont vous le dire. T'sais, le film ne fait que... Puis là, c'est ça qui arrive pendant la nuit. Puis là, ben, il s'est passé ça. Puis là, ce n'est que du monde qui parle de ce qui se passe. De façon scientifique, comme si la fille elle avait un bac en qu'est-ce qui arrive la nuit. Là. Puis là, on a encore le problème que, ben, des fois, c'est filmé genre « Oh, je documente ce qu'on est en train de se dire. » Puis c'est d'autres fois, c'est les discussions par webcam qui sont enregistrées, tu sais. Oui, qui reviennent en... Comme tu vois pas de Skype ou quoi que ce soit, c'est juste un gros Christy de carré noir avec les deux caméras pitchées en plein milieu. Fait qu'il y a même pas d'interface à rien. Tu vois juste... Fait que rendu là, au pire... Fais-moi un montage entre les deux caméras webcam. Ça va être déjà plus intéressant à regarder. Parce que là, c'est juste deux webcams fixes pitchés en plein milieu de l'écran. Comme si c'était un Skype, mais finalement, t'as aucune interface Skype. Fait que, regarde, assume que t'as pas Skype, fais autre chose. Puis, regarde présentement comment qu'on est là. Oui, moi, je suis cadré en plein milieu, tu sais. Mais je ne suis pas cadré en plein milieu fixe. À te parler, Steven, à la caméra. Et je bouge pas trop pour pas trop exprimer. Puis toi, regarde, toi, t'es penché sur ton bureau. Puis t'es à la main. Ben à l'aise. Ben à l'aise. Mais eux autres, là. Puis en plus, hey, regarde, t'as un beau décor, t'as une TV, t'as des posters, t'as des DVD. Moi, écoute, c'est le bordel en arrière de moi. Mais il y a un décor. Lui, il est sur sa table de cuisine. On dirait d'un appartement. Dans lequel il vient d'emménager depuis une journée parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a même pas un crayon sur le comptoir en arrière de lui. Il n'y a même pas un aimant sur le frigidaire. Un verre qui traîne à côté du lavabo. Il y a eu un party la veille. Ça paraît même pas. Le gars, il est clean. C'est génial. Il n'y a rien. Il est fixe devant sa caméra en plein milieu, centré, sa tête aux trois quarts de l'écran. Puis elle, c'est la même hostie d'affaires dans un endroit fixe avec aucun décor, aucune vie. C'est plate à regarder. Il n'y a aucune émotion. Il n'y a aucune émotion. Je veux dire, visuellement, c'est un found footage. Je peux comprendre que dans un found footage, tu ne travailles pas ton éclairage, ta photo tout le temps, puis tout ça. Puis c'est correct, tu sais. Mais là, tu sais, la maison dans le premier segment du monde qui emménageait, elle est plus intéressante. Elle était plus intéressante, puis il venait d'emménager, tu sais. Il y avait des cordes après mur, puis il y avait deux, trois bibelots sur des tables, mais c'est tout. Tu sais, je veux dire, moi, je tournerais un found footage chez nous ou chez vous, je laisserais ton appartement comme aller, tu sais. Puis moi, je laisserais ma vaisselle à moitié faite sur le comptoir. Parce que c'est comme ça que je vois croire que je regarde un found footage. Pas l'impression que c'est genre le gars qui a donné rendez-vous à ses acteurs. OK, à 3h après-midi, vous ouvrez vos webcams. Puis que là, le gars, il a fait comme, ouais, ben là, attends un peu, là. Je vais faire un peu le ménage chez nous avant. Tu sais, tant qu'à faire, mets des petits clins d'œil, des petits hommages. C'est pas un petit poster de VHS sur le mur, là. De quoi de bête? Ouais, écoute, tu veux dire n'importe quoi, là. T'sais. Mais non, mais tu l'as dit, c'est juste du blabla entrecoupé de quelques scènes qui semblent sortir d'un Chronicle. Ou que c'est une fille qui découvre un peu ses pseudo-pouvoirs ou qu'elle peut léviter dans les airs, ces choses-là. Hey, mais genre, je vais faire léviter une carte. Je vais faire léviter une carte de jeu. Vous pouvez-tu regarder la carte à la même place, tous les deux? Tu sais, elle est faite en CGI, ça paraît. Là, la fille, elle regarde trop haut, puis le gars, il regarde au milieu. Il y a juste le gars qui regarde la carte à bonne place. Le gars, il regarde la carte à bonne place, mais pas elle. Puis là, t'es comme. Ah, mais s'il vous plaît. Tu vois le gars qui prend sa main, là, puis il passe en dessous de la carte. Puis il passe au-dessus de la carte pour dire, gars, il n'y a pas de fil, on s'en doute, c'est très CGI, boboche. Je suis pas en train de te douter, là, quoi que ce soit, tu sais. Ah. Tu sais, puis il passe. Quand tu passes sa main, là, admettons que toi, tu me lèves ta carte là, dans la face, tu sais, on est assis à côté de l'autre. Je passais pas ma main comme le magicien dans son tour. Je vais comme faire. Coller, tu vois, non. Je vais checker. Mais lui, il est fixe. Il la regarde, puis il passe sa main. C'est. Ah! Tu sais, il y a rien dans ces acteurs-là. Il se passe à rien. Tu sais. Ah, pis t'y crois pas, là, tu sais, à un moment donné, c'est genre, enfin, on va pouvoir vivre notre relation platonique, puis consommer notre relation, tu sais, je sais plus trop comment il dit ça, mais t'es comme, ah, parce que vous aviez une relation, tu sais, j'y croyais pas, là, j'y crois pis pas. Puis la timeline est fuckée, de temps en temps, on nous balance un mois plus tard, deux semaines en arrière, un mois, ouais. Là, je suis comme, OK, t'es vraiment en train de me perdre. Puis comme tu dis, on croit pas à leur relation. Puis ils se parlent juste de temps en temps. C'est mal développé. C'est juste crissement mal développé. Mm. C'est mal écrit. Fait que t'embarques pas. Le segment essaie vraiment de péter plus haut de son cul. C'est comme, on va terminer ça en beauté. Ça va être le plus long. Ça va vraiment être cool. Puis à la fin, on va vous foutre la chienne. C'est comme, non. Non, puis ma copine écoutait avec moi, puis elle était crampée à la fameuse révélation finale qui fait vraiment comme un genre de coucou. Ça fait comme coucou. Ah, tabarnouche. Puis il y a cette fameuse scène où les trois amis sont dans une autre pièce pendant qu'elle adore. Puis c'est comme, si, ça va se passer pendant que je dors. Puis là, t'es comme, OK, premièrement, mettez une caméra où ce qu'elle dort, s'il vous plaît. Mettez, branchez pas une caméra sur vous trois qui attendez de voir. Je regarde un fond de footage. Je m'attends à ce que la caméra soit placée pour me montrer ce qui se passe. Pas pour me montrer les gens qui attendent qu'il se passe quelque chose ailleurs. En tout cas, tu sais, dans le fond, ce que la fille adore dans sa chambre, puis eux autres, ils sont dans le salon. Puis c'est genre, faut pas s'endormir pendant qu'il se passe de quoi. Mais la caméra filme les trois personnes qu'il faut pas qu'ils s'endorment. C'est plat parce qu'à la limite, cette scène-là, t'aurais pu développer tes personnages, les rendre attachants, puis qu'ils racontent des choses intéressantes, mais ils disent rien. Ils disent rien. Puis tu sais, tu regardes, tu fais, oh mon Dieu, que ces trois acteurs qui sont en train de juste jouer le jeu de l'attente jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Puis là, quand ils s'endorment... C'est improvisé, ça, on s'entend-tu? Ah, ouais. Ça devait même pas être écrit, ces dialogues-là. C'est improvisé, c'est juste que ça n'a pas le charme et la qualité d'un Before Sunrise d'un dialogue. Non, mais tu sais, c'est ça, ça me dérange pas là, que tu improvises tes dialogues d'un fan footage. Et anyway, je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui vont faire ça, tu sais. Sûrement. OK, vous jasez de ça en attendant qu'il se passe telle affaire quand je vais vous donner le cue, tu sais. Mais là... Au moins, il dit, OK, non, gang, on va la reprendre. Vous allez jaser. Tu sais, je veux dire, c'est tout à l'idée que tu te dis, fait que ça a été sa meilleure take. C'est ça qui me gosse. Peut-être c'est qu'il a fait une take, puis c'est tout. Il y en a peut-être même pas fait plusieurs. Tu tournes en numérique, puis t'as pas d'effet pratique. Tu sais, je veux dire, exemple, je sais pas, moi, t'aurais un mannequin avec une tête qui explose, puis tu fais comme, OK, gang, la tête, elle explose, puis c'est un one-shot. Non, c'est trois personnes assises sur des divans, puis ils vont s'endormir. Si tu trouves que ta scène ne lève pas, tu peux dire à tes acteurs, on va la reprendre. Mais de voir ça, puis de me dire, fait que ça, il a considéré que c'était le meilleur, ça m'en dit gros sur son... Sa finesse à lui, tu sais. Ben, ça me dit surtout que le gars, on dirait qu'il avait eu l'idée de son fil conducteur, puis qu'il devait rembourrer avec d'autres choses. Puis il a décidé de faire des segments avec ça. Je sais pas, son fil conducteur, c'est comme le truc sur lequel il met le plus d'efforts. Est-ce que c'est le meilleur? On n'a pas vraiment parlé à date. On n'en a pas parlé. Toi, t'as-tu dit que le premier était ton meilleur, mais tu sais. J'ai dit que mon deuxième était le deuxième meilleur. Peut-être que le fil conducteur était au troisième meilleur. Ah. Ben d'ailleurs, je pense qu'on va en parler du fil conducteur. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, allons-y donc. Je vous rappelle le résumé du fil conducteur. C'est que c'est ce scientifique avec son assistante, son élève, puis un assistant, puis ils veulent capturer un démon. Ou en tout cas, lui, il appelle ça un démon. Là, mais non, il, entité, je sais plus trop comment. Il dit, genre, faut pas appeler ça un démon, faut pas appeler ça un... il donne un nom, en tout cas. T'sais, il veut capturer sur vidéo cette créature-là qui vit dans cette terreur monde nocturne. Veut, ouais, dans ce monde parallèle. Il veut capturer cette terreur nocturne-là sur vidéo. Mais ce qu'ils vont se rendre compte, c'est qu'ils n'ont pas capturé sur vidéo. Ils se sont transportés dans le monde parallèle. Exact. Et là, ils sont pris là et ils vivent à la même vitesse que toutes ces créatures-là. Donc, ils les voient. Et là, il la voit, là. Il la voit. Et on la voit dans toute sa splendeur d'un costume acheté à 25$ chez Walmart. Écoute, honnêtement, l'idée de ce fil conducteur-là, je trouve que c'est la meilleure idée du film. Je trouve qu'il y a un potentiel de vraiment faire de quoi de cool avec ça, même si ça fait très Insidious, là. C'est ouais. Modifié un peu, là. C'est pas vraiment dans le... l'astral, mais je veux dire, c'est quand même dans des univers parallèles, puis là, les terres nocturnes, tu peux voir ça. Mais je te dirais que la première fois que tu vois la créature ou que c'est un une scène vif, là, c'est embrouillé, puis tu la vois juste derrière le gauche comme OK, ouais, ça fait son petit effet. Oui, je ouais, ouais. Mais à un moment donné, lui, il veut trop la montrer. Et à un moment donné, on voit trop que c'est un masque et un déguisement d'Halloween, puis c'est vraiment cheap. Là. Excusez-moi, mais c'est vraiment cheap. Là. Chantal était pliée en deux, ça, avec. Ah, là, ouais. Trop, c'est comme passé, puis ça, c'est le meilleur exemple. Puis encore une fois, les acteurs jouent mal. Écoute, je pense que le premier segment, c'est le segment avec les meilleurs acteurs, parce que... mais puis je pense qu'après ça, c'est quand même celui-là. C'est quand même pas si mal, ce wrap-around-là. Comparé les acteurs, autres. Comparé aux autres. Mais les acteurs restent qu'ils sont pas bons. Puis tout ce qui se passe, à un moment donné, t'es juste comme... C'est quoi qui se passe? Puis là, on dirait qu'il étire son histoire parce qu'il fait comme... Ouais, c'est parce que je suis pogné pour le faire, mon fil conducteur. Là, parce que quand ça... Quand tu finis le... Je recommence. Quand tu commences ton fil, le fil conducteur... Juste avant le premier film, tu la vois, la créature. Ouais. Fait que là, t'es comme... OK, fuck, déjà. Moi, je me serais attendu à avoir un petit hint ou quelque chose, mais pas la voir, tu sais. Fait que là, quand tu viens de finir ton premier court-métrage, puis tu reviens au fil conducteur, le fil conducteur, il est en vitesse grand V, là, tu sais. T'es pas encore dans le... qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on va voir quelque construis chose. Construis un build-up. Tu sais, je sais pas, garde ton créature pour la fin. Rappelle-toi VHS 1. Ouais. Tu sais, le gars qui regardait les VHS, là, il y avait un build-up. Ça amenait à quelque chose de poche, là. Mais, ouais. Mais il y avait un build-up pendant ces trucs. Tu étais tout le temps comme... OK, moi, ouais, j'ai vu quelque chose. Ah, OK, moi, ouais, je pense qu'il se passe quelque chose. Tu sais? Ou, tu sais, t'avais juste là aussi... Il écoutait les VHS pendant qu'il y avait un gars de mort à côté, tu sais? Ouais. Fait que tu sais, ça c'était. T'as emmené le cadavre, il disparaît, tu sais. Tu sais, fait que moi, t'es comme. Fuck, mais tu sais. Il n'y a pas d'urgence ou quoi que ce soit dans ces segments-là. Fait que. Là, tandis que là, son fil conducteur, c'est juste. On dirait qu'il y avait ses quatre courts-métrages, puis il a fait comme. Ben, ça va être lui mon fil conducteur, fait que je vais coter ici, ici, puis ici. C'est vraiment ben, ça. Clairement. Ouais, mais. Il essaie de faire une montagne russe avec ça. Il veut que ça soit efficace, ça soit comme le côté plus hot, in your face, avec des moments freakants, mais ça marche pas. C'est terriblement mal monté. Tu sais, je disais que les autres étaient mal montés, mais celui-là, c'est grave parce que quand on en revient après le deuxième ou troisième segment, la fille se réveille et elle était tombée des pommes. Puis t'as un montage à Bruce où on a l'impression de revenir sur les takes d'avant en night vision, mais là finalement c'est le moment présent puis la créature revenue, puis j'étais tout mélangé, j'étais comme OK, c'est pas des takes que vous regardez de qu'est-ce qui vient de se passer puisque vous êtes perdu. C'est vraiment dans le troisième moment où ce que le wraparound revient, il nous montre des flashbacks du deuxième moment où ce qu'il est arrivé quelque chose à un des gars, tu sais. Ouais, c'est vrai, ouais. Je veux pas voir des flashbacks de ça, tu sais. Je veux dire, je suis pas en train d'avoir oublié ce qui s'est passé. Tu sais, en plus, dans un found footage, tu ne fais pas de flashback. T'sais, déjà, par temps, il n'y a pas de montage, là. Il n'est pas supposé, en tout cas. Pas supposé de sentir le montage. Puis ce qu'il faut, je suis juste supposé de sentir. On a trouvé des cassettes et voici ce que ça donne. Tu sais, pas un petit montage puis un petit effet de surprise. Tu sais, ça me gosse, ça. Ça me gosse vraiment. Puis, c'est clair que ce wraparound-là, il dure trop longtemps. Il aurait été supposé de finir après son retour. Ouais, facilement. Tu le vois au début, puis après ça, quand on revient, il n'y avait plus rien à faire. Là. J'essaie d'étirer ça avec un autre petit twist à la fin, là, avec le dernier plan, puis je suis comme, OK. Eh oui, tu sais. Mais non. Tu m'as eu. J'ai pas remarqué au début ce détail. C'est ça. Mais non, puis tu sais, c'est trop peu, trop tard. T'es déjà en train de t'emmerder, puis de regarder, puis tu dis, fini dans 3 minutes. Ça finit dans 3 minutes. Juste parce que quand on y revient à ce wraparound-là, on fait comme, oh non, c'est vrai, faut que je me retape ça. Je pense que c'est le pire segment. Ouais, j'avais... Honnêtement, le troisième était tellement en train de m'achever que j'étais comme, oh yes, c'est fini. Puis là, le wraparound revient, puis je suis comme, sinon, je suis écœuré de ton film tout court, là. Fait que... Le wraparound tue, parce que, tu sais, c'est ça. À toutes les fois que tu reviens, tu fais, non, j'ai pas intérêt à revenir. Tu sais, je comprends pas pourquoi que je reviens encore à ça. Je veux pas. J'ai pas de fun, là. Tu sais, en plus que le wraparound ne sert pas de lien, vraiment. Bon, petite parenthèse ici. Quand on a reçu le screener, on a reçu aussi des instructions sur comment écouter le film. On reçoit pas beaucoup de screeners à Horror Gamer. Fait que je sais pas si c'est quelque chose qui est normal ou régulier. Si parmi nos auditeurs, vous avez l'habitude de recevoir des screeners de la part des réalisateurs directement, je veux dire, moi, c'est le réalisateur qui m'a envoyé ça par courriel. Il nous a envoyé une liste de choses à remarquer. Genre, faites attention à ci, à ça, à ça. Puis il y avait une des choses qu'il disait, c'était avant de passer à des petits films, il y a comme un rewind sur le wraparound qui fait revenir sur un bout de dialogue. Remarquez ce bout de dialogue-là, car il va être une clé pour le court-métrage qui s'en vient. Pas plus qu'il faut. Pas plus qu'il faut pour la seule raison que j'avais pas d'intérêt. Les petits moments rewind, je les ai remarqués, mais je m'en foutais parce que c'était juste une phrase qui revenait, justement. Mais... C'est ça, tu sais. Puis on a parlé un peu avant l'enregistrement que hier, j'ai écouté Southbound, tu sais. Puis Southbound, de un, c'est une anthologie, mais elle n'a pas de wraparound, elle n'a pas d'histoire qui les relie. Elle a seulement un animateur radio. Chaque histoire commence par l'animateur radio qui parle à la radio, puis qui va dire quelque chose en lien avec l'histoire sur laquelle on est en train de lire. Puis c'est comme genre, c'est comme si t'écoutais un gars pendant la nuit qui parle à son micro, à ses auditeurs, puis avant de partir en musique... écoutez cette petite pensée, le passé revient toujours nous hanter, peu importe. C'est tellement ça, ouais. Et on se revoit en musique et après, blablabla. Puis là, peu importe. Fait que là, mais tu comprends, la mécanique est super claire. Mais t'es pas comme, on crée ce film, tu me prends-tu pour un imbécile? Non, c'est que c'est super smooth, ça coule. Puis tous les segments se passent au même endroit. Fait que chaque segment... Quand il y en a un qui se termine, ben le suivant débute où que l'autre se termine. C'est vraiment tout super bien relié. C'est super bien... c'est bien monté puis c'est vraiment cool comment ça l'arrive. Et c'est déjà vrai. Là, à parler de tout ça, on a plus de passion que de Dark Tape. Fait que tu sais, dans Dark Tape, quand t'as ton segment qui lit tous tes films, qui donne l'impression plutôt d'être un affaire qui a été charcuté, puis qu'il revient sur des répliques que tu fais. Je serais curieux, vraiment, là, à cette heure que tu sais, je les ai vus, les films, là, de vraiment écouter les répliques qui ont été dites. Là. Mais ça fait mauvais, parce que je suis supposé d'écouter une anthologie de found footage, puis tu me fais un rewind sur un moment pour me dire « Hey, oublie pas, on a dit ça tantôt. Hein? » Je suis comme « Non, c'est... Non. Just non. » Ça vient me faire penser à une affaire qui m'avait vraiment agacé dans le premier segment, mais ça fait partie du twist, je peux comme pas le dire là, mais on nous explique tout. Ah, mon Dieu. Mais vraiment tout, comment telle chose a été faite, mais dans une conversation normale. Oui. Je suis comme, ok, non, il y a personne qui parlerait comme ça. Non. Ah, mon Dieu, oui, non, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est pour ça que ça me donnait le feeling d'un Tales from the Crypt, cette finale-là, tu sais. Mm-hmm. Hey, on n'en a pas eu aucune autre Final Tales from the Crypt là, dans cette. Ben, y a rien d'autre. Le reste, c'est du copier-coller BS de VHS. C'est vraiment comme j'ai vu VHS, j'ai trouvé ça cool. Je vais essayer avec mon petit 65 000 $. Et je dis petit, mais fuck, le gars, il a eu 65 000 $ pour faire ça. C'est quand même quasiment le trip. C'est pas plus de Paranormal Activity 1 qui lui arrive à faire un film vraiment plus compétent. Ben, fait que je trouve ça triste là. Ouais, c'est triste parce que tu sais, avec 65 000 puis le peu de trucs qu'il a fait, parce qu'on s'entend là, et là présentement toi puis moi là, on est en train de tourner The Dark Tapes. on a l'équipement nécessaire pour tourner The Dark Tapes. Ben ouais, tu me laisses juste... Laisse-moi 5 minutes pour aller au Party Expert. Je vais chercher un costume de monstre puis un autre, puis voilà. Tu sais, c'est ça. J'ai eu bien de la misère avec ça. ici au Saguenay, ma blonde avait joué, puis j'avais fait une petite apparition dans le film, long métrage Hunting Ground, tu sais. Le gars avait dépensé 150 000 piastres pour le faire ici, tu sais. Mais, dans chaque scène, t'as soit un costume, du décor, du green screen, des effets pratiques. Il y a tout le temps quelque chose, ou presque. Tu sais, fait que tu fais comme... Je peux comprendre, man, que ça t'a coûté 150 000. Tu sais, quand t'as fini le film, tu fais comme... Je suis même surpris que ça t'ait pas coûté plus cher. Puis je comprends que c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont été bénévoles dans ton affaire, tu sais. Mm. Tandis que quand je regarde The Dark Tapes, puis je vois que ça a coûté 65 000 piastres, je fais... Ben, je le vois pas, ton 65 000, man. Même si c'est pas beaucoup en tant que tel. Même si c'est pas beaucoup, je le vois pas. Mais pour un petit film indépendant, non, c'est vrai, on le voit juste pas. Je le comprends pas, tu sais. De toute façon, moi, je l'ai mentionné hors honte pendant que tu n'étais pas là, Sébastien, là. Mais, tu sais, oui, on fait la critique d'un film, un screener qu'on a reçu d'un réalisateur. Nous, on n'est pas payé pour ça. On ne reçoit rien en retour. Le seul truc qu'on a, c'est qu'on écoute ton film et on fait de la pub. Fait qu'autrement dit, c'est plus bénéfique au réalisateur. Mais... Tu sais, c'est un screener, là, on ne garde même pas la copie, là. Ça, puis... Sauf qu'on n'est pas Fangoria, dans le sens que c'est pas parce qu'on a reçu un screener de réalisateur, ben on se sent obligé de dire que le film est excellent. Honnêtement, ça a été, pour moi, ça a été un très mauvais film. Ça va se retrouver dans mon top des mauvais films que j'ai vus cette année facilement. Mmh. Et je trouve ça poche, mais je veux dire, je vais te critiquer comme je critiquerais n'importe quel autre film parce que t'as aucune raison valable de m'offrir un mauvais film en tant que tel parce que j'en ai écouté des tonnes de films indépendants où le gars avait des budgets vraiment plus petits. Là, The Battery, mais c'est un film plus compétent avec des bons acteurs, c'est bien réalisé, t'as un bon montage, je veux dire. Il suffit d'avoir des bonnes idées et du talent, c'est tout. C'est ça, tu sais. T'as pas besoin d'un paquet d'effets spéciaux, surtout des films à petit budget. Tu te concentres à essayer d'écrire un scénario qui va se démarquer, qui va surprendre, puis qui va faire en sorte que ton public va être incrusté dans le film. Sinon, si t'essaies de faire de quoi in your face avec du gore, puis justement des effets de créatures, mais t'as pas de budget, oublie ça, le résultat sera pas vraiment bon à l'écran. Puis, tu sais, The Dark Tape, il essaie de trop en faire avec le budget qu'il y a, mais aussi le fait qu'il fait juste copier qu'est-ce qu'il y a vu ailleurs, mais en moins bon. Fait que c'est vraiment poche, là. C'est ça, son problème vient vraiment de son originalité, parce qu'à la limite, là, tu sais, ses mauvais costumes, puis tout ça, on les aurait laissés passer. À la limite, mais il essaie pas de nous offrir quoi que ce soit. Tu sais, on a de la misère à donner de la viande à cet épisode-là. On essaie de trouver de quoi dire sur chacun des segments, mais vous avez pas idée comment c'est vide, fait que c'est vraiment compliqué d'essayer de rendre ça intéressant, mais je veux dire, c'est plus drôle qu'autre chose parce que c'est juste vide comme film. C'est triste. C'est vraiment triste, oui, c'est ça. Parce que, écoute, du monde qui peut faire des miracles avec peu, c'est. Il y en a. Il y en a beaucoup. Puis, ça, ce qui me scie, je pense, avec ce film-là, c'est toutes les louanges que je lis partout. Tu sais, pendant qu'on se parlait, tu sais, je voulais juste tantôt avoir une idée de... c'était quoi? On voulait se rappeler c'était quoi les titres des segments, tu sais. Et là, tu sais, je lis des trucs puis je me dis, mais ont-tu vu le même film que moi? Tu sais, de me dire que la fille dans Cam Girls est vraiment convaincante quand elle fait le switch entre je parle avec mon ami au début, puis je deviens la fille qui fait du cam girl, de la webcam. Puis que après ça, le gars qui joue le roux est super convaincant, puis attachant. Je suis comme. Voyons donc! Puis qui a gagné des prix pour les meilleurs effets monstres, je sais pas trop. Meilleur là, tu m'avais monstre, mentionné. Ouais, meilleur monstre. Best Creature of the Year, c'est ça? Ouais, Best Creature, là, j'étais comme tabarnouche. Je veux dire, dans quel genre de festival t'as passé? Puis, tu sais, là, que je lisais que la fille qui jouait dans Amanda's Revenge, avec son interprétation, elle faisait en sorte que cette histoire-là, elle s'élevait au-dessus des autres, tu sais. Exceptional acting. Je suis comme, tabarnache. Voyons là, exceptional acting. Je la regarde, puis j'ai de la misère à croire que cette fille-là est en détresse. Non, mais honnêtement, tu me disais des critiques, il y avait Rumor, puis d'autres, puis je l'ai dit, ça fait partie de la... du même problème qu'avec Fangoria. Fangoria, t'es t'allais lire leur magazine, impossible que t'allais tomber sur une mauvaise critique. Même si le film est bâché puis qu'il est vraiment mauvais, eux, ils vont l'aimer puis ils vont en parler en bien parce que c'était juste du business. Ça manquait de couilles, Fangoria. Fait que, tu sais, toutes les Twilight, c'était tout de la bombe. C'était tout excellent, tu sais, juste pour donner comme exemple. Et c'est ça qui est plate parce qu'à un moment donné, les gens ont lâché Fangoria parce que c'est comme, gars, à quoi bon? On peut pas suivre sur votre avis. Vous êtes pas honnête avec vous-même. Puis j'ai l'impression qu'il y a peut-être une couple des critiques que tu viens de mentionner qui sont juste pas honnêtes. Puis ils ont reçu Screener. Puis justement, ouais. C'est tout. Puis ils se disent, ah, ben, on veut faire partie du thrill. Là. On veut que ce film-là, qui a tout le monde parle, ils vont trouver notre critique quand ils vont chercher sur le net. Là. Fait qu'on va en parler nous autres aussi. T'sais, à moins qu'ils aient vu aucun fan footage, qu'ils aient vu aucun VHS, tout ça. Chris, ok, peut-être. Le site qu'on s'appelle fanfootagecritic.com. Tu l'as fait. Ils en ont vu en salle en plus. J'espère. T'sais, j'ai vu des trucs, c'était les top 5 fan footage de 2017 que vous devez voir. Puis là, j'étais comme, c'est ok, tu sais, why not? Ça va être intéressant. Christy. Puis moi, j'avais liké la page sur Facebook. Puis à tout le temps, leur page Facebook publiait des nouvelles reviews, genre, hey, on est dans une bonne review de telle place, hein? On a été dans les tops de telle place, un nouveau prix d'un festival. Puis j'étais comme, mais si, Monac, on est-tu en train d'assister au nouveau Paranormal Activity, ça là? Le nouveau buzz? Ouais, ça va être ça, le nouveau buzz, puis nous autres, on va l'avoir catché d'avance, là. Ben, on va se dire, leur marketing est solide. Leur affiche est attirante, je pense que c'est ça qui va attirer le plus de monde, puis le fait que, justement, il y a des bons prix. Puis j'avais vu le trailer passer, puisqu'à un moment donné, tu te promènes sur ton fil d'actualité Facebook, puis là, tu as souvent des sponsors, puis j'avais souvent celui de Dark Tape qui revenait parce que j'aime l'horreur, fait qu'il me popait tout le temps ça. Puis là, ça faisait vraiment comme... Le fan footage le plus efficace depuis VHS, puis encore meilleur que VHS, des trucs de même. Fait que tu sais, ils mettaient ça vraiment en big, puis je me disais, crime, finalement, je t'intéressais, tu viens me piquer ma curiosité, mais quand tu arrives avec le produit fini, c'est vraiment pas ça. Fait que chapeau, parce que probablement qu'ils vont attirer bien des gens pareil, peut-être avec tout ça. Là. Oui, puis écoute, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais présentement, côté fan footage et anthologie, on n'a pas grand-chose. Anthologie, on en a quand même beaucoup depuis un moment, tu sais, on a critiqué justement sur Séance de minuit XX, l'anthologie féminine, il n'y a pas longtemps. Fan footage anthologie, ouais, c'est plus rare par contre, ça c'est vrai. Même fan footage tout court, il me semble, on a-tu quelque chose? Ben, la mode a quand même un petit peu passé, en tout cas on a moins. Là. Depuis on a Blair pas... Witch, en fin 2016, on a-tu quelque chose? Honnêtement, je pense que non. Blair Witch a été mon dernier fan footage que j'ai vu puis que j'ai vraiment entendu parler. Là, ouais, comme fait que j'ai comme l'impression qu'en plus, il va peut-être profiter d'une accalmie du genre. Fait que le monde sont peut-être prêts à en réécouter un. Là, tu sais. J'ai justement le screenshot devant moi du coucou. Là. C'est vraiment, c'est vraiment super beau. C'est un screenshot HD, là, ça te montre toute la... J'ai l'impression d'écouter Jeepers Creepers. mais non, c'est ça. C'est, on va aller en recommandation tantôt. Mais oui, là, on va y aller là. Mais après ça, on va faire notre conclusion. Mais ta recommandation, Steven? Je vous le déconseille. Je suis en retard dans mes films. J'ai tellement de bons films à voir. Ça déborde. Et je suis obligé de me taper de quoi de même. Non, c'est pas nécessaire. Peut-être qu'à la limite, en game, vous allez avoir du fun, mais payez pas pour ça. Si vous avez vu VHS, puis en plus, si les défauts qu'on retrouve dans les fan footage vous gossent, ben ça va vraiment vous gosser dans ça-là, parce que c'est les défauts fois 1000. Là. C'est assez intense. Fait que ouais. Je me sens mal de varger autant, parce que peut-être que le gars avait vraiment plein de bonne volonté, mais excuse-moi, le résultat est pas là, puis je suis honnête avec moi-même, j'ai juste vraiment pas aimé ça. Ah non, puis je suis totalement d'avis, là, passer à côté, tu sais. Je lisais une critique, puis je pense que c'est le seul truc positif qu'on peut lui donner. C'est le seul cliché qu'il ne fait pas du fond de footage, mais là, avec les techniques qu'il utilise, c'est un peu normal. C'est que t'as pas l'idée de pourquoi vous continuez à filmer. C'est peut-être vrai, mais même là encore, dans le wraparound story, à un moment donné, il y a des bouts que je fais comme ça, là, t'as encore ta caméra dans les mains. Mais c'est sûr que dans l'histoire, c'est sûr que Cam Girls, ben, c'est des webcams, puis dans l'autre, il y a des webcams pas mal, dans le troisième. Ben, même dans le troisième, à plusieurs reprises, j'étais comme, ben, pourquoi tu filmes le matin, Nowhere, juste pour parler? T'sais, après l'événement qui est arrivé dans la soirée, tu penses que ton ami s'est fait violer, pourquoi tu continues à suivre ta conversation? La discussion avant de... Comment qu'on va y annoncer qu'elle s'est probablement faite violer? T'es comme... ouais, c'est ridicule. Puis elle est là dans le background. Ouais. Puis pendant qu'elle est là, qu'est-ce qui se passe? La caméra, elle bug! Ça, c'était... Ça faisait du bien de le voir dans le troisième film, ça. Ça nous manquait. Surtout que ça nous donne pas un signe. Non, c'est encore ça. Encore une fois, tu sais. En tout cas. Ben, on va passer en musique et... comme on sait pas en quoi passer, j'avais un deuxième truc en tête, mais c'est vraiment... c'est juste moi qui me gâte. Puis je me demande, j'ai peut-être déjà passé. Mais peu importe, c'est Videotapes de Radiohead. Puis on s'en va. Of any old town. de retour pour la conclusion de cet épisode en tête à tête avec des tapes noires. Tout bizarre. Tout bizarre. Il était tout foncé. Il était un peu magané, même s'ils viennent juste de sortir. Déjà déballé. Non, mais c'était très cool. Puis, hey, envoyez-nous en don d'autres des screeners. Hey, jeune réalisateur, voulez-vous faire promouvoir vos films positivement? Envoyez ça à un gamer. Oh, God. Mais bon, regarde. On ne pouvait pas juste aller le l'encenser juste parce qu'on avait reçu une copie. On aurait peut-être juste perdu crédibilité par la suite. C'est ça, tu sais. Puis. Parlant de crédibilité perdue, vous autres, séance de minuit, vous l'avez encore, la vôtre? Oui, je pense que... Mais vous n'avez pas encore su de screener, je pense. Oui. Oui? C'est une petite anecdote vraiment drôle, mais ça ne faisait même pas 3 épisodes qu'on avait sorti qu'on a reçu un screener, mais d'un gars vraiment insistant. Puis son film, c'était Rainbow quelque chose. Puis si vous allez sur le groupe de collectionneurs du film d'horreur du Québec, il n'arrête pas de popper son film à tout bout de champ. Il insistait vraiment au point là, qu'il nous a tous aidés dans ses amis. Puis là, il voulait vraiment être chimichim avec nous. Puis il arrêtait pas de nous envoyer des photos. Puis on a comme fait, non, on commence notre podcast. Puis on va essayer de parler de trucs justement connus ou, je sais pas, des trucs intéressants. Là, on va pas commencer avec un screener que le monde connaisse déjà pas le podcast. Puis ils vont pas downloader l'épisode puisqu'ils savent aucunement c'est quoi ce film-là. C'est pas intéressant. Ouais. Fait que c'est comme, non, merci. Là. Anyway. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez écrit. Eh bien, c'est vous. C'est Marc-Antoine qui l'a écrit à travers le compte d'Horreur Web. Mais Horreur Web vous a quand même fait une passe à la palette là, aujourd'hui. Oui. Horreur Web, il est mort. Fait que, il en a profité. On sortait un épisode sur le buzz Get Out que peut-être pas beaucoup de monde ont vu. Fait que, éviter l'épisode, c'est extra spoiler 100%, mais si vous avez vu le film, allez écouter ça, c'est intéressant, c'est le genre de film qui est tellement le fun à discuter et à débattre, puis ça risque de l'être encore plus avec un deuxième visionnement, fait que c'est cool. Puis ben moi j'ai bien hâte parce qu'on va en recevoir un screener de ça. Non, on devrait recevoir un DVD. J'étais tout content de dire, hey les gars, on va recevoir un DVD de Get Out, on va pouvoir en parler. Puis là, ouais, j'en parle dans Séance de minuit. God. Pas grave, je vais aborder d'autres choses. Ça va être. Ouais, on verra. Hey. Non, mais c'est parce que quand on va le recevoir, JF risque de ne pas être revenu. Ah, peut-être que Vicky n'aura pas le temps. Fait que finalement, ça va être moi et toi. Puis toi, tu as déjà parlé d'un podcast en long et en large. Fait que ça va être juste moi finalement qui va parler. Puis toi, tu vas te faire comme. Ben, comme je disais dans l'autre podcast. Mais comme je disais dans l'autre podcast. Comme je disais. Finalement, ce que je vais faire comme show, c'est que je vais écouter le film. Puis après ça, je vais enregistrer des commentaires audio par-dessus votre épisode. Je vais juste prendre votre épisode, puis tantôt ça va couper, puis moi je vais faire. Ah, mais non, ça peut, là, non. Ça, je suis pas d'accord. Hey, ça serait écœurant, ça. Mais non, ben oui, c'est ça. Moi, non, je ne l'ai pas écouté encore, mais si vous l'avez vu, le film Get Out, allez écouter ça, c'est sûr. Aujourd'hui, ce qui était cool, c'est que là, on avait un screener, on pouvait pas vraiment vous spoiler le film, mais il y a quelqu'un qui s'est fait spoiler le film tout le long de l'épisode, et c'est David Michaud sur notre live Facebook pour les exclusifs Patreons, et lui a eu droit à un paquet de niaiseries en bonus, et... Vous pourriez avoir droit, vous autres aussi, si vous décidiez de devenir un de nos boss, de nos patrons. Présentement, on en a 9. Imaginez, il nous en manque un seul pour avoir 10 patrons. Ça, c'est le chiffre magique là, que j'aimerais atteindre d'ici 2018. Et je préférais le chiffre 13. Ouais. Oh, hein? Mais attends un peu avec ton chiffre 13 parce que je parlais des patrons, puis... Non seulement vous pouvez écouter l'épisode live pendant qu'on enregistre sans tout le montage horrible qu'on fait autour. Le montage horrible, tu sais. Je dis ça parce que c'est plus JF qui va le faire, ça va être moi. Et si vous auriez aussi droit à des shout-outs pour nous faire des dons. Et cette semaine, on veut faire un shout-out à Tommy Boy. Tommy. Et Marc-André Boy. Marc-André. Marc-André ça, Boy, ouais, ça se dit mal. Ça se dit mal, mais on l'aime pareil. Marc-André, on t'aime. Ça, c'était des bobies, ça. Ouais, hein. Et tu parlais du chiffre 13, là. Qu'est-ce qui se passe avec le chiffre 13, Steven? C'était peut-être un lien avec notre prochain épisode, Sébastien. Quoi? Hey, on est-tu en train d'annoncer notre prochain épisode pendant le show? Je pense bien que oui. Pour une fois, on sait d'avance ce qu'on va faire. Tu veux que je les annonce? Ben oui, vas-y. Ah, ben d'accord. On va y aller avec un spécial remake et film original, ça donne. On va parler de 13 fantômes, film de 1960 réalisé par William Castle. Et on va s'attaquer à son remake que plusieurs d'entre vous dans leur adolescence ont probablement vu. 13 fantômes de Steve Beck avec la belle Shannon Elizabeth dans le temps qu'elle faisait d'autres choses que Scary Movie aussi. Là. Et American Pie, je pense qu'on se rappelle tous d'elle pour American Pie. Eh oui. Fait que ça risque d'être intéressant. Moi, j'ai pas revu le remake depuis... vraiment longtemps. Non, peut-être pas à ce point-là. Je pense que je l'ai revu une autre fois, mais ça fait très longtemps. Puis j'ai jamais vu l'original. Fait que je suis vraiment primé. Je me l'ai commandé l'année passée sur Amazon en me disant, va falloir que je le réécoute. Puis tu vois, regarde. Ça tombe à pile. L'autre épisode, je te fais sortir ton DVD Blackwater que t'as jamais écouté. Là, je te fais sortir ton 13 fantômes. Que j'avais pas revu depuis longtemps. Puis, Steven, on n'a pas parlé. Mais ce serait quoi une recommandation, mettons, pour quelqu'un qui voudrait pas écouter The Dark Tapes, mais qui voudrait soit une anthologie ou un found footage? Je vais y aller parce que je l'ai écouté hier. Bon, okay. Ça va te laisser le temps d'y penser. Hier, j'ai écouté, ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté, Southbound, anthologie de 5 histoires, si je me trompe pas, qui se passe... on dirait dans le sud des États-Unis, d'une ville qui semble un peu bizarre. Très quatrième dimension, en effet, t'as raison. Puis, des belles surprises, des segments qui misent plus sur le malaise, d'autres sur l'humour noir. Est-ce qu'il y en a qui vont essayer de faire peur? Pas vraiment. Une belle ambiance, c'est trippant. Aucun segment faible, selon moi. Même celui que j'avais trouvé le plus faible dure pas assez longtemps pour être une longueur et se termine bien, dans le sens que une fin qui convient puis qu'on est comme « Ouais, OK, je suis content, ça s'est fini, c'est très cool. » Non, moi, j'ai rien eu à redire là-dessus. C'est un super beau coup de cœur, Southbound. Très belle recommandation. C'est un des meilleurs qu'on a eu des derniers temps. Ouais. J'ai pas vu de fan footage depuis un bout à part XX. Dark Tapes. Attends, là, c'est une anthologie ou un fan footage qu'on peut conseiller? Je propose les deux. Les deux. OK, ben je vais proposer fan footage anthologie. J'en ai pas qui me vient en tête, fait que je vais y aller avec VHS 2. Probablement, vous l'avez tous vu, mais ça reste mon volet préféré de la trilogie. Je trouve que ça va à toute allure. J'aime tous les segments, notamment Safe Haven, qui est comme pour moi le meilleur de toute la série. C'est vraiment un must. Et sinon... Une GoPro sur un zombie, c'est toujours cool. GoPro sur les amis, c'est toujours cool. Ou sinon, je dirais, allez-y avec Holidays aussi, qui est sur Netflix. Si vous ne l'avez pas vu, c'est très mitigé, mais c'est soit t'aimes, soit t'aimes pas. Il y en a pour tous les goûts, mais juste pour le segment Father's Day, yes, Father's qui est de la fucking bombe. Déjà là, ça vaut amplement le visionnement, mais moi, j'aime ça. Je trouve que c'est une anthologie qui prend des risques, qui reste pas dans sa zone de confort. Puis moi, c'est ça que j'aime. J'aime voir des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, puis les réalisateurs tentent des idées. Et c'est pas toujours génial, mais en même temps, je trouve ça vraiment intéressant. Notamment un lapin de Pâques Jésus mutant. Honnêtement, l'idée est vraiment géniale. J'adore. C'est fait que, allez-y. Ça. Non, puis si vous voulez voir le pire segment du monde de Kevin Smith, allez-y aussi. C'est affreux. Oh God. T'sais, moi, il a creusé sa tombe, puis il a mis le couvercle sur le cercueil, puis il a mis de la colle chaude, puis il a vissé des vis, puis il l'a soudé, puis il s'est renterré avec ça. Non, mais Crime, tu fais une anthologie sur les fêtes à travers l'année. Puis toi, t'es cop de Halloween. On s'entend-tu que c'est comme le plus facile? Tu peux faire ce que tu veux avec ça. Et lui, il tourne ça alentour de quoi qui a pratiquement aucun lien avec l'Halloween. Et ça a juste rapport avec l'anal. C'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est de mauvais goût. C'est mauvais, mais vraiment mauvais. Puis t'es comme, à quoi t'as pensé? Regarde, là, c'est... On dirait que ça a été écrit autour d'une bière par une gang de flots. Puis là, il faut plugger l'Halloween. Il y a quelqu'un dans l'épisode, dans le film, qui dira que c'est l'Halloween. C'est ça, là. C'est carrément ça. C'est là. Juste ça. T'as jamais le feeling de l'ambiance d'Halloween. Il n'y a rien de ça. T'as carrément quelqu'un qui fait comme, ouais, c'est l'Halloween. OK. God. Mais oui, ben juste pour Father's Day, puis une couple d'autres là, qui est intéressant. Il y en a un qui fait très... The Wickerman. Oui, hein? J'ai pensé tout de suite à ça en le voyant, j'ai trouvé ça cool. Oui, il y en a qui valent la peine. Même le dernier dans l'appartement avec le tueur. Ouais. C'est un petit affrontement vraiment cool. Non, je sais pas, moi je suis vraiment sorti satisfait, je m'attendais à vraiment pas aimer ça parce que vous l'avez tout démoli alentour de moi, puis... Finalement, j'ai fait non, j'ai vraiment plus aimé ça que je m'attendais, sérieux. Je pense à ça. C'est la première critique que j'avais écrite pour notre section critique sur le site. Et c'est vrai. Section critique qui est morte, là. Qui est morte avant même d'avoir existé comme vous. j'avais donné 3.5. J'avais dit. Je vais te la lire. Vas-y donc. J'avais écrit « Holidays ne réinvente pas le film d'anthologie. Certaines histoires plus originales que les autres réussissent à nous divertir. Father's Day et Christmas, entre autres. » Christmas, c'était quoi Christmas? C'est le dernier que je viens de te nommer dans la partie. C'était, non, ça c'était non. New Year's. Christmas, c'était avec Seth Green, avec le casque virtuel. Ouais, mais j'ai écrit « Cependant, aucune finale ne m'a satisfait. » Ouais, c'est ça. C'est que je trouvais que tous les segments finissent en queue de poisson. Il n'y a aucun segment qui finissait, puis je faisais comme, yeah! Je finissais tout le temps comme... Ouais, à part Father's Day. À part Father's Day, toutes les finales des segments, je faisais comme, Colin, t'avais de quoi de bon, puis tu me le scrap. C'est ça. Ben, le premier qui fait très Carrie, je trouve que j'en aurais pas pris plus. Dans le sens que je savais aussi que ça m'en allait, puis c'était ben correct. Mais en tout cas, on pourrait en débattre, puis je pense pas que c'est le bon moment pour ça. C'est pas le bon épisode, là. Non, mais... c'est ça. Ah non, en tout cas, je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. Tu vois, ça aurait été un épisode qui a été foutrement long. Ouais, parce qu'on aurait... Hey. Oui, mais chaque segment, qu'il soit bon ou mauvais, il y a de quoi à dire. C'est ça qui est chaque le fun. Chaque segment, qu'il soit bon ou mauvais, est meilleur que le meilleur segment de Dark Tapes. Exactement. Best réplique de l'épisode. Même celui de Kevin Smith, c'est plate à dire. Ah, non, tu dis quoi? Je serais peut-être pas prêt à dire que le segment de Kevin Smith est meilleur que Dark Tape. Tabarnak. J'ai ça en tabarnak. Oh, God. Je t'ai insulté. Je t'ai insulté aussi. Tellement j'ai comme fait ton yoga Hauser, là, qui se fait déjà démolir autant que ce segment-là. Je vais le passer, gars. Ah non, regarde, c'est fini. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter? Séance de minuit, qu'est-ce qui s'en vient? Ben là, vous venez d'en sortir un. C'est ça, ouais. Ben en fait, il y a un autre qui est supposé déjà être tourné, mais ça s'en vient. Mais en tout cas, on a deux épisodes qui s'en viennent. On a un épisode sur le film d'horreur exclusif de Shudder, Prevenge. Oui. Qui met en vedette, qui est réalisé et scénarisé par Alice... Je ne veux pas dire le mauvais nom. En tout cas, par l'actrice principale du film Sidser de Ben Whitley, comédie noire, que tu as vu, Sébastien. Le couple qui s'en va en road trip qui tue. Ah, c'est Sidseer. Sidseer, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est son film. J'adore ton accent tout le temps. Ouais, c'était écœurant. Je suis parfait pour démolir ça. Mais en tout cas, c'est elle qui arrive derrière la caméra avec... Ah, cool. Un film vraiment intéressant. C'est bon, et, j'ai beaucoup aimé Sightseers. Que... De base, ce film-là serait dans tes cordes. Good. Puis, on a notre spécial de Pâques. Et ça, c'est l'idée de Marc-Antoine. C'est un épisode plus grand que nature, mais bon, Marc-Antoine voulait absolument faire ça. On parle de trois films. On va parler de la trilogie religieuse de Martin Scorsese, Fait que c'est The Last Temptation of the Chris Kundun et Silence qui vient juste de sortir il n'y a pas longtemps en Blu-ray. Fait que c'est du lourd. Il n'y a rien en bas de 2h30. Et le thème, la religion. Fait que ça risque d'être assez hardcore. Eh hey boy. C'est puis la Passion du Christ, ça? De quoi la Passion du Christ? Non, mais le film. Ah, de Mel Gibson. On s'est dit que c'était hardcore. En tout cas. Ah, ok, moi je vais te comprendre. Ben écoute, on va vous souhaiter bonne chance sur celui-là. Ça va bien aller, je m'inquiète pas. Ben oui. Puis, ben pour moi, je devrais tourner mon premier segment en voiture cette semaine. Yeah. Des choses qui se sont passées cette semaine qui ont fait en sorte que je n'ai pas pu. Bon, on n'est même pas allé au cinéma finalement, moi et Fred. Fait que là, la semaine prochaine, on devrait. Alors, quoi de film? On sait pas encore. Ah, ok. Ouais. On a comme 2-3 choix, là, on va regarder. Parce que l'horaire du cinéma n'était pas encore sorti, fait qu'on sait pas c'est quoi qui va être en première jeudi prochain. Ok. Donc, on va peut-être. Ça va peut-être être ça qui va décider du film. Ah, et petite mise au point, Jeff est parti s'occuper de son enfant, ce qui veut dire aussi qu'il n'est plus sur le bras de faire des films. Mais on a un plan de rechange. En fait, c'est Sylvain Démenti, ex-horreur web et vlogueur du 7e Démenti, qui va venir être mon nouveau collègue. Et c'est ça. Fait que on devrait tourner un premier épisode la semaine prochaine. Et ça devrait être cool. Je pense que la chimie va être différente et le fun. Fait que le bras de fer des films reste pareil là, même si Jeff est plus là. En fait, on l'a foutu dehors. Mais c'est comme via vote, hein, on est tanné. Ouais, oui. C'est ça. T'as fait tes choix. Hey, sur ça, je pense qu'on va faire un choix. Puis ça va être de se laisser, Steven. On dirait bien. Alors, je vais te souhaiter au revoir. Au revoir, Sébastien. Au revoir, les gens sur le chat. Au revoir, David. Et à tous ceux qui nous écoutent présentement, au revoir. Et n'oubliez pas de garder ça horreur. Bye. Bye. C'est mouillé. ton opinion.